C'est un début sur les chapeaux de roue. On a entendu le splendide de chansonnier aux verbes acérés et aux paroles crues, mon oncle Serge, qui interprétait Lac Saint-Jean, un hommage au Lac Saint-Jean, la pièce Le Frisé, qui est un hommage au Frisé, et Pelado, la chanson-titre de cette émission du Cirque Aquatique Magique qui inaugure le thème d'aujourd'hui qui est Québécois et dont le PDG est Pierre-Carl Pelado. Pierre-Carl avec un K. Mais saviez-vous que son papa lui avait originalement donné le nom Pierre-Carl avec un C, mais que sa passion pour le communisme l'a fait écrire Pierre-Carl avec un K comme son idole Karl Marx. Et je ne l'invente pas. Et oui, saviez-vous que dans l'enfance rebelle du grand capitaliste Pierre-Carl Pelado, eh bien, il a milité dans un parti marxiste-léniniste. Pour les intimes, ça s'appelait la Ligue communiste, marxiste-léniniste, entre parenthèses, du Québec. À ne pas confondre avec les 36 autres partis communistes différents. Et c'est un groupe qui date de 1975 à 1980. Donc lui, il a fait partie de ce groupe-là. Qu'est-ce qu'il a fait exactement dans la Ligue? J'en ai né aucune idée. Mais disons que la discipline marxiste-léniniste était très sévère, hein? Qu'est-ce qu'on passait? Quand on faisait partie d'un groupe marxiste-léniniste, là, on lisait chaque semaine, il fallait lire, il fallait participer à des cercles de lecture du journal. Et si je ne m'abuse, le journal de la Ligue, c'était La Forge. Et puis, il fallait participer à des centaines de réunions, quand c'est pas des réunions du travail, du syndicat. C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de vie en dehors de leur militantisme et de leur travail. Parce qu'évidemment, il fallait travailler, il fallait faire de l'entrisme. Il fallait aller dans les syndicats des usines et puis essayer de contrôler. Control the place. Et ils ont quand même réussi à faire fermer beaucoup de groupes populaires avec leur méthode autoritaire qui n'était pas très délicate. Donc, Pierre-Carl Pelado, oui, dans sa jeunesse, un marxiste-léniniste. Mais disons qu'il a un peu dévié depuis ce temps-là. Hein? Il s'est détourné de Mao et il s'est rapproché de qui est-ce qu'on pourrait nommer comme grand capitaliste? Il s'est rapproché de George Bush, mettons. Et maintenant, il est à la tête de l'Empire québécois, qui contrôle télévision, radio, magazine, câble de distribution, etc. Et on va commencer justement, on va faire un bloc pour chacun de ces secteurs d'activité. On commence avec un bloc télé, avec et la pièce s'intitule tout simplement « La télé » d'André Marceau. Commençait sa crise d'adolescence. Je suis né juste à temps pour voir les reprises de l'assassinat de Kennedy et Luther King d'en face à l'heure du souper. On est propre, propre, propre. J'ai grandi avec la crise de Cuba et avec la guerre du Vietnam coupée en petits morceaux et mastiquée d'en face à l'heure du souper. La distance n'a plus d'importance. La télé apprenait à devenir violente. La télé se préparait à devenir en couleur. Quand je te dis pose-moi le beurre, pose-moi pas d'autre chose. Chaque matin, j'améliorais mon vocabulaire et ma diction avec des extraterrestres venus de la planète Oralie, des Oraliens. Il me semble avoir déjà lu ou entendu ça quelque part, mais je me souviens plus qui, ni où, ni comment. Mais ce qui suit est bien de moi. Avec leurs pistolets réducteurs, les Oraliens pouvaient tout réduire. Allez les amis, dites avec moi, c'est dans la tête qu'on est beau. C'est dans la tête qu'on est beau. C'est dans la tête qu'on est beau. C'est dans la tête qu'on est beau. Tu sais, amener les Kodak dans tes cochonneries. Voyons donc. Voyons donc, Colin. Bon, c'est ça de la télévision, on le passera. Nous nous transportons immédiatement à Télé Métropole, votre canal 10. Que vous le vouliez ou non. Nous sommes dans la cabine d'un réalisateur au moment où celui-ci discute avec son régisseur. Hey, patron, regardez dans ça, on va avoir un long générique. Ouais, c'est long pour rien, coupe-en, ça fait intellectuel. Puis avant ça, il y a bien de nos auditeurs qui savent pas lire. Avez-vous une idée comment ça va finir, cette émission-là? Ah non, la seule émission ici où on sait comment ça va finir, c'est la lutte. Hey, il y a un autre problème, patron, c'est qu'il n'y a pas d'animateur pour commencer l'émission. Il est parti sur une ballonne depuis 2 semaines, c'est épouvantable. Prends le gros giguet, il est parfait. Hey, patron, j'ai regardé le script, là. Vous trouvez pas que les blagues sont un peu vieilles? Mais non, le monde, ils veulent pas toujours entendre des nouvelles affaires pour les mélanger. Ils veulent se faire rafraîchir la mémoire. Mais tout à coup, ils rient pas. Ils vont rire. On leur donne du Pepsi, ils peuvent bien faire ça pour nous autres. Ils riront peut-être pas au bon moment? Tu leur feras signe qu'en rire. Non, écoutez, patron, là, j'ai lu le script comme il faut. Ce qu'il nous faudrait, c'est quelque chose de plus subtil, de plus intelligent. Moi, je ne sais pas, par exemple, une satire en vers. Mais tu fous, toi, là? Veux-tu nous faire perdre notre rating? On va leur en donner du subtil. Tu diras à Rod Tremblay de se faire aller à la bedaine. Oui, mais Rod Tremblay est plus sur l'émission. Prends le gros giguet, il est parfait. Hey, patron, il n'y a rien de sexy sur l'émission. Ouais, puis tu fais de la danseuse. Elle est malade. Hein? Prends une secrétaire au deuxième. Hey, on va-tu faire porter le top plus? Ouais, la télévision a besoin d'un nouveau visage. Hey, patron, on n'est pas plus avancé. Il y a un trou ici. Il n'y a rien pour finir l'émission. Passe un spot sur la plaza. Les annonces, ils aiment ça, eux autres. Ben oui. Un spot sur la plaza, un spot sur la plaza. Il n'y a rien de prêt. Il n'y a rien de préparé sur le film. Il n'y a rien d'enregistré. Prends le gros giguet. Il est parfait. Alors, attention, tout le monde, sur le plateau. Il reste 3 minutes avant le show. Excellent. On a le temps de faire une répétition générale. À supporter le blablabla de la radio. Et la télévision? Oui! Figurez-vous, pour mon anniversaire, ma nièce m'avait écrit, ma tante, pour vous distraire, si vous voulez, je vous offre un poste de télévision en couleur. Je lui dis, mais elle est folle, celle-là. Complètement folle. Ma nièce qui est médecin. Elle sait que j'ai horreur de télévision. Alors, je lui dis non, mais je préfère que vous m'envoyiez un chèque correspondant pour m'aider à renouveler mon matériel de randonnée. Alors elle l'a fait, m'a envoyé un chèque assez conséquent. Elle m'aurait envoyé un poste de télévision couleur, je le foutais par la fenêtre. Pas le supporter. Et c'est comme ça. Un groupe d'extrémistes a décidé de s'attaquer par la violence et le terrorisme à la liberté et à l'unité du pays. Ah, Québécois, Québécois. Qu'est-ce que c'est, Québécois? Québécois, c'est ce que la moitié de ce que le Québec sait. Je m'explique. Avec le Journal de Québec et de Montréal, Québécois contrôle près de la moitié du lectorat des quotidiens au Québec. Ça, ça veut dire que la moitié des Québécois qui lisent un quotidien chaque jour pensent et réfléchissent et se forgent une idée à travers la lorgnette de Québécois. C'est troublant, sachant la piètre qualité des chroniqueurs et des maîtres à penser de Québécois. Des gens malhonnêtes qui ont pas trop la rigueur, là, disons, mettons au premier plan. Alors, spécial Québécois ce soir au Cirque Aquatique Magique. On a entendu Arsenic 33 qui faisait « La télé est mon mantra ». On a entendu un sketch des cyniques. Les cyniques, ça date quand même d'un bout de temps. Là. Ça, c'est quoi? C'est les années 80? Si ce n'est les années 70? Et on écoute ça, puis on se dit... c'est encore bon. C'est incroyable. Mais le gros giguère, il va être parfait. Et on a entendu André Marceau, slameur de Québec, qui faisait la pièce, la télé. La télé apprenait à être violente. La télé s'apprêtait à devenir en couleur. Alors ça, c'était le bloc télé. Mais Québécois, c'est aussi les journaux, les quotidiens. Alors écoutez, allons écouter un bloc consacré aux journaux. Et j'ai oublié de dire tantôt, je vous disais que Pierre Karl écrivait Karl avec un K en l'honneur de Karl Marx. Si vous voulez en apprendre plus sur peut-être le passé des marxistes-léninistes au Québec, allez sur le blog jeunefou.blogspot.com et cherchez le post qui s'intitule Québec rouge, et vous allez pouvoir télécharger 3 albums de musique marxiste-léniniste québécoise. Alors, c'est une partie de notre histoire, c'est douteux, c'est intriguant. Alors, allez découvrir ça. Sinon, pour l'instant, le bloc journal, en l'hommage de Québécois. On commence avec les résidus plasmiques. Thank you. sérieusement nous déclare, avec mon set de salon, c'est fini pour de bon. Le petit peuple marmonne son admiration et passe à une autre section. Le prix de l'essence a augmenté. On va taxer l'obésité. Et nos églises sont désertées. Il n'y a plus de moralité. Le petit peuple marque son désaccord et passe à la page des sports. Le journal du matin a fait de nous de bien meilleurs crétins. On avait payé pour l'acheter, alors on l'a regardé. สักรายกว่าจะได้ไปละบาทผมแทบจะขาดใจตายมีรถที่วิ่งปักไว้ผมหารายได้ด้วยความยากเข็ญหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ครับไทยรัฐเดลินิวบางกอกนิวพิมพ์ไทยผมมีกำไรได้มาก็เพียงเปอร์เซ็นต์ช่วยอุดหนุนผมหน่อยเด็กน้อยที่แสนลำเข็ญรถมาผมต้องวิ่งเต้นคอต้องเห็นใจเด็กขายหนังสือพิมพ์เร่ไปตามท้องถมอเกิดมายากจนหวังให้ท้องอิ่มแต่ร้อนพ้นพรำพ้นทนกลาดกรามทำหน้าแย้มยิ้มไม่ลักขโมยเรื่องคุกตารางผมไม่เคยชิมมิจฉาชีพผมไม่ลองลิ้มหากินคือปัดโดยดีหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ครับฉบับใดเล่มใดก็มีขอจงปราณีเด็กที่หมดทางพึ่งใครเศษสตางค์แค่บาทท่านอาจอ่านได้กำไรเรื่องราวข่าวคราวเร็วไวขอจงเห็นใจเด็กขายหนังสือพิมพ เกิดมายากจนหวังให้ท้องอิ่ม แต่ร้อนปนพรำพ้นทนกระกรามทำหน้าแย้มยิ้มไม่ลักขโมยเรื่องคุกตารางผมไม่เคยชิมมิจฉาชีพผมไม่ลองลิ้มหากินปื้อตัดโดยดีหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ครับฉบับใดเล่มใดก็มีขอจงปราณีเด็กที่หมดทางพึ่งใครเศษสตางค์แค่บาทท่านอาจอ่านได้กำไรเรื่องราวข่าวคราวเร็วไวขอจงเห็นใจเด็กขายหนังสือพิมพ C'était le bloc journal de cette émission au thème de Québécois. On a entendu Bad News d'un groupe non identifié, tiré d'une compilation funk qui s'appelle Those Shocking Days, qui date de 2010. On a aussi entendu le groupe Shangtoy Sisai faire la pièce Dek Kai Nuang Supim, ce qui signifie Camelot, Newspaper Boy Camelot. Alors, c'est ça le concept. Et on a entendu les résidus plasmiques faire musique pour écouter en lisant le journal le matin. Les résidus plasmiques, si je ne m'abuse, là, c'est un groupe qui s'amuse à faire 38 albums dans, à chaque mois, là. Donc c'est pour ça que ça sonne un peu le... l'improvisation. Mais c'était bon pareil, hein? Mais hein, c'était bon pareil! Oh! Je vous passerai pas de la scrap à cette émission-là! Jamais j'oserais faire ça! Au Cirque Aquatique Magique! Et c'est François Gécouillard au microphone à l'antenne de CKRL 89.1. Québécois, c'est aussi la câble-distribution, la téléphonie, c'est l'Internet. Alors, on va écouter un bloc sur ces trois secteurs d'activité-là. On commence avec une pièce intitulée « Câble confidentiel ». C'est un poème de Jacques Prévert, chanté par Catherine Ribeiro. Plafond trop noir, quoi bon lever les yeux, plafond stop. Autant cogner tête contre muraille du son, stop. Sommes pas seuls ennuyés, stop. Amis héréditaires, dernières hostilités, grosse difficulté, stop. Ennui de nos amis, sont aussi nos amis, enfin me comprenez, stop. Mal des Indes en souffrance, ainsi de suite, et j'en passe. Mais bien considéré, bombes atomiques, sommeil, valise, diplomatique, stop. Industrie des réveils, prête à intervenir, stop. Car regrettable éventualité, nouveau feu, artifice mondial, agir avec toi, t'es. Pour éviter bouquet, stop. D'accord, votre objection, millions, vies humaines, pas à négliger. Mes intérêts supérieurs priment sur le marché, stop. Sans verser trésorerie sera toujours très honoré. Au cas beaucoup trop de d'omelettes flambées, percer profits et pertes comme par le passé, stop. Salut, c'est Nadine. Envie de bouger? Alors appelle-moi à la première dance party téléphonique au 36 69 04 69. Internets. What the fuck is the internet? Internet? Well, son, the internet is a global network of interconnected computers enabling users to share information along multiple channels. Typically, a computer that connects to the internet can access information from a vast array of available servers and other computers by moving information from them to the computer's local memory. The same connection allows that computer to send information to servers on the network. That information is in turn accessed and potentially modified by a variety of other interconnected computers. A majority of widely accessible information on the internet consists of interlinked hypertext documents. The majority of the population use the internet for communication, downloading midget pornography, and getting Hip Hop McDougal's free album. Mange, Tony. Ouais, vas-y. Voilà. Cher Oudoudou, sans vraiment te connaître, je peux t'affirmer que je t'aime car tu es très sensuel et tu dégages une chaleur folle. Ton cul et ta chatte me plaisent. J'aimerais te brouter, te faire des fist fucking. Ma bite est à toi, Romain. Ouais, c'est pas mal. Ça va? Ouais, la fin est pas mal, surtout la fin. Non, I check my email. I'm too keyed up to fall asleep. So I write you back and count the days until we'll meet together. The first thing that I do, he drove my arms around you. I never let go. Call you from my hotel room. I'm sitting on the hallway floor. I know that we are so, so, so, so tired. My phone call just expired. You only call me when you're drunk. I can tell by your voice. It's the only time that you open up to me and tell me that you love me. Through the dead of night, I took an Ambien, and you came to visit me in my dream. You've a bed in blue light, floating right in front of me. Your face was so, so, so, so bright, I had to close my eyes to see. Et on s'approche de la fin du Cirque Aquatique Magique. C'était le blog Cablo Distribution, Internet et Téléphone. En l'honneur de Québécois. On a entendu Dengue Fever qui faisait Tiger Phone Card. Dengue Fever, la chanteuse, la voix nasillarde absolument extraordinaire qu'on vient d'entendre et de nationalité cambodgienne. Et j'ai l'impression que Tiger, ça fait référence à... une forme de combattant cambodgien, mais je vais pas trop m'avancer, là, peut-être que je suis complètement dans le champ. Et on a entendu aussi Intranet de Hip Hop McDougal qui commence avec un échantillonnage de George Bush. Et on a entendu un poème de Jacques Prévert mis en musique par Catherine Ribeiro, Câble confidentiel. Mulroney a dit de lui qu'il était un conservateur avec un petit C. C'est notre homme, notre superstar, notre héros sexy. C'est Pierre-Carl Pelado, PKP pour les intimes. Et c'était une émission dédiée à cet illustre individu. J'attends son chèque. Et on va se quitter sur une pièce extraordinaire du candidat aux présidentielles américaines, Mitt Romney, qui va chanter « America the Beautiful », une prestation qui lui a valu d'être récupérée par ses adversaires démocrates. Alors, je vous invite, si vous êtes candidat à la présidentielle américaine, de peut-être vous abstenir de chanter si vous faussez. quoique tous les politiciens se privent pas pour le faire. America the Beautiful, ici on a le temps, on continue avec une pièce, une reprise américaine, Choisis ton côté. Alors, c'était François Gécouillard et je vous dis à la semaine prochaine. C'était l'émission Le Cercle Aquatique Magique. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres sur jeunefou.blogspot.com. Ciao, ciao. You know that song? Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain. For purple mountains' majesty above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Whoa! I love this country. I love its beauty. Avec moi à chaque manif, il est pas près de se taire. Désormais en ce monde, y'a plus que deux camps. Si t'es pas avec ton peuple, t'es du bord des puissants. Choisis ton côté, mon frère, choisis ton côté. Choisis ton côté, ma sœur, choisis ton côté. Entre la machine et les derniers humains, donne la patte au power. Ou donne-nous la main. Pour les canons, les bombardiers, ils trouvent du cash sans peine. Le mouillant, je réclame mon Dieu, il reste jamais une scène. Choisis ton côté, ma sœur, choisis ton côté. Choisis ton côté, mon frère, choisis ton côté. En vivant l'eau du puits, oublie pas ceux qui l'ont creusé. Levons la tête vers les étoiles et les grands temps de lire rallumés. Leur monde de mensonges déclare la guerre totale à tout ce qui vit.